un groupe new-yorkais qui s'appelle Kiss, extrait d'un album qui sortait il y a plus ou moins pile 40 ans. Ouais. 77 donc. L'album s'appelle Love Gun. Et extrait de cet album, on écoutait un titre qui m'a été un peu inspiré par l'actualité. Ça s'appelle Got Love for Sale, recevoir de l'amour pour vendre. Et il suffit de voir un petit peu tout ce ramdam qu'on fait autour d'Harvey Weinstein. C'est ça. Voilà, ça en dit long un petit peu. Et en parlant de New York, ils sont de New York aussi, donc enfin voilà. Bon. Un petit clin d'œil à l'actualité. Petit clin d'œil peut-être mal placé à l'actualité. Quoique. Bon, allez, au programme aujourd'hui. Album de la semaine. Mm-hmm. La review de Coen Go. Le fil rouge. Il y a un archive du dimanche. Cool. Ouais. Il y aura, ouais, entre deux, il y aura soit un 45 tours, soit un 33 tours. D'accord. Crac. Voilà. Au choix. Au choix. Et Books on the Radio. Mmh. Et voilà, et des nouveautés aussi quand même. Oui, plein de nouveautés. Bon. Comme d'hab. Programme quoi, du programme. Ouais. Toujours du programme. Allez, on commence. Ouais, on perd pas de temps. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippe Arr, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc, mm-hmm. Et on va partir avec Zola Jesus, ah. Vous en avez parlé un petit peu il y a deux semaines, ouais, il y a trois semaines même, avec son cinquième album, mm-hmm. Okovi, un petit peu un retour aux sources. D'accord. Ça fait plaisir. Alors Zola Jesus sous son vrai nom Nicole Hummel, voilà, qui se fait aussi appeler Nika Rosa Danilova. Comme ça, tu peux choisir. Ça, c'est quand elle sort des cassettes sur son petit label là, du début. Là. Je reviens plus dessus. C'était sur le nom. Mais... Dystasy. Ouais, c'est ça. C'est son premier label, ouais. alors, pourquoi son nom, ce nom-là ? Parce qu'elle a des origines russes. En fait, ses parents sont bien américains, sauf qu'il y a un peu de Russie, un peu d'Allemagne, un peu de Slovénie, un peu d'Ukraine. Un peu du monde ? Un peu du monde dans de ses l'Est. Veines, c'est ça, voilà. Avec un nom comme Nicole Hummel, ouais, forcément, ouais. Ça aide. Donc elle sortira justement en 2006 son premier single, pour Sons, justement, mmh. Chez Dystasy, et puis Sir Sewer, déjà chez Sacred Bones. Ouais. Record. Puis elle partira en fait faire ses études dans le Visconti, mmh. Qui est sa ville... de préférence, voilà, son état de préférence en tout cas, mmh. À Madison exactement, où elle va étudier le français et la philosophie. S'il vous plaît. Bah oui, bien, quand bien. Même. Et à côté de ça, elle obtiendra également un diplôme en management. Mmh. Donc ça va, voilà. Elle a terminé ses études en 2010. Ça doit se faire. De dire ça. Ça doit se faire. Hein. Alors, donc elle sortira son premier album de Spoils, mm-hmm. En 2009, alors qu'elle est toujours aux études. Elle le sortira chez Sacred Bones Records, comme quoi ils avaient eu le nez fin à ce moment-là déjà. Voilà. Et elle jouera également avec Former Ghost, notamment, ou encore Feveré et de XX pour sa tournée européenne en 2010 sur cet album. Ça va quoi ? On fait pas les choses à moitié. Non, non. Allez, on écoute un premier extrait de cet album, Okovi. Mm-hmm. On va écouter le morceau Exhumed. Between Exhumed de Zola Jesus, extrait de l'album de la semaine, Okovi. Eh ben, grosse pièce là. Grosse pièce. Ah ouais. Ouais. Alors, on pourra le comparer notamment à Street Dilemma 2, qui était son deuxième album sorti en 2010, qui a complètement révélé la chanteuse. Qui l'a ramenée dans nos contrées. Ouais, et surtout en 2011, Conatus. Oui. Qui est un grand album, ouais. Quand même. Le meilleur, en tout cas, pour l'instant. Mm-hmm. Et en 2014, Taiga, qui était un petit peu en dessous. Je ne me souviens même pas du disque. Je me souviens de Conatus. Conatus, oui. Alors, Okovi, qui a été écrit dans un moment difficile. En fait, on ne l'a pas entendu ni vu pendant 3 ans, puisqu'elle était en dépression. Mm-hmm. Elle est repartie vivre dans le Visconti. Ouais. Parce qu'en fait, un de ses plus proches amis s'était suicidé quelques années auparavant. Et en fait, il s'était jeté d'un télégraphe. Donc, voilà. D'accord. Et comme elle était sur place à ce moment-là. Ah ouais. Quelle vie normale, elle a, hein, quand on entend comme ça. Non, mais c'est vrai. Enfin, sans préjuger, évidemment, voilà. Mais... on imagine, pour sortir des sons pareils, avoir un univers pareil, être un peu... Mais non, elle fait des études, enfin voilà. Ouais, elle a bien un petit patelin dans le Wisconsin qui s'appelle Madison, ça va, il n'y a pas trop de monde, ça fait pas trop de bruit. Elle est touchée par des drames privés comme chacun d'entre nous. C'est ça. Et loin de... je sais pas moi, de Chelsea Wolfe ou Björk, si on veut être dans les caricatures. Bien loin de tout ça quand même. Ça reste ce quelqu'un de simple. Ben ouais, carrément. Et quelqu'un comme tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui fait en gros sa force aussi. Alors, il y a toujours les parties un peu classiques, voire très classiques, avec les violons, etc. sur ses albums, puisque quand elle était plus jeune, ses parents l'ont initiée au piano, voilà, et au chant lyrique. Et donc, pendant, je pense, 9 ans ou 8 ans, elle a fait du chant lyrique, avant de composer toute seule dans sa chambre. Avec succès. Ouais, et de sortir ses premiers singles. Donc, bien. Voilà. C'est un peu une surdouée de la musique, en tout cas. Il y en a. Allez, deuxième extrait pour cet album Okovi. Avec plaisir. On va écouter le morceau Siphon. We'd rather clean the blood of a living man. We'd rather leave. RQC 95 FM. Chers auditeurs. Quoi ? C'est la belle mélodie, hein ? Pour moi, c'est pas la musique, quoi. Oui, j'ai l'oreille absolue, voyez-vous. Et c'est excessivement rare, et merci bien. Ouais, on peut se marrer un petit peu avec ce jingle. Pour Fume, c'est du belge, parce que c'était du belge pour suivre l'album qui sortait en mai dernier. Ça passe super vite, hein. Et ils avaient fait... le plaisir, parce que c'était un plaisir, je pense, partagé, de venir présenter ce disque en avant-première ici au Elbar. Tout à fait. Voilà, dans le cadre de festivités, évidemment. je pense bien avec la jungle, si je dis pas de bêtises. Ou juste avant, Animal Youth, groupe de Bruxelles, dans lequel on retrouve un membre de Black Sheep. Oui. Voire, devrait-on dire, ex-Black Sheep, parce que je pense qu'il... clôture cette année leurs 15 ans, déjà 15 ans, avec un concert en fin d'année pour dire au revoir et merci à tout le monde, me semble-t-il. Mm-hmm. Mais donc Animal Youth, c'est une nouvelle aventure pour Vancou, en tout cas, qui est à la base, et ses petits camarades qui étaient avant dans un autre groupe, Seamus Queens, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est pas ça le plus important. Animal Youth, l'album s'appelle Animal Feeling et Feeling figure en premier titre sur le dernier à découvrir absolument. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur le net à découvrir absolument.com. Et un travail de défricheur assez incroyable où tous les mois ou presque on a une compilation gratos avec. Gratos, ça c'est bien, mais c'est surtout avec 40 groupes issus de plein d'horizons différents. Et pour le à découvrir absolument la compile 43 déjà, le premier titre en bonne piste c'est ce Feeling d'Animal Youth, donc bravo à eux. Sympa. Voilà. Petit clin d'œil au passage. Allez, fil rouge, sans transition et rien à voir, Leonard Cohen. on en est déjà à son troisième album qui sortait en 1971, Songs of Love and Hate, avec notamment un morceau qui s'appelle Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc, voilà, ouais. en français, où on retrouve un petit peu le poète dans son dans sa chanson avec Jeanne d'Arc qui parle avec le feu qui est en train de la consumer. Et qui lui dit tout simplement, j'en ai marre de la guerre et moi aussi j'aimerais bien porter une robe de mariée blanche. L'ironie, c'est quand même que Jeanne d'Arc était connue comme plutôt un garçon manqué. C'est ça. Voilà, et surtout une symbolique en tout cas pour Leonard Cohen, vu qu'il était très religieux. Ouais. Ça ne va pas s'arranger avec le temps. Ça ne s'arrangera pas avec le temps, non. La même année, on va retrouver trois morceaux quand même, une bande originale en tout cas, sur un film de Robert Altman, ouais. John McCabe. Voilà, et on retrouve trois morceaux de Leonard Cohen quand même sur ce film qui deviendra un grand classique du cinéma. Bien. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Elle est extraite de cet album Songs of Love and Hate. On va écouter Avalanche. Step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Side by accident, as you go down for your gold, the cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. Thank you. pain. You must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. I have begun to long for you, I who have no grief. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Dress in those rags for me, I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved, it is your flesh that I wear. Allez, un petit peu de news du côté des musiques brillantes agitées en compagnie du webzine Core & Co. Un peu comme chaque dimanche finalement, où on passe en revue de l'actu qui n'en est plus vraiment. Puisque ça s'est passé la semaine. Mais c'est pour revenir sur quelques sorties. Pour rappel, si vous aimez bien les émissions vraiment métal, il arrive d'en faire le lundi entre 20 et 22. Il y a Rock the Nation, c'est le dimanche juste avant les canards, plus ou moins. Enfin, juste avant. Quelques heures avant. Au dessert entre 15 et 17 avec Bruno. Et même la dernière demi-heure de Transhumance, 17h30 avec Annick. C'est ça. Le lundi. Voilà, donc vous avez du métal quasi tout le temps. C'est pas mal. Antiflag qui se remarquait avec un morceau qui s'appelle The Criminals. Et qui est assez clair dans ses propos. Un regard un peu décalé mais bien senti sur les criminels, tout comme il l'avait fait dans un titre juste avant à propos des racistes, Antiflag, qui finalement se fait une bonne année 2017. J'ai l'impression que c'est le groupe américain le plus influencé positivement par Donald Trump et ses copains. Monsieur Orange, oui. Par Monsieur Orange, par l'agent Orange, absolument. Swedish Dance Candy qui sortira un premier album le 10 novembre prochain via Solar Records. Groupe intéressant. Il y a un extrait qui circule qui s'appelle Last Dream. C'est un peu compliqué de... Bon, allez, mettre une étiquette, mais même d'en mettre plusieurs. Et ça peut s'expliquer parce que le groupe est anglo-italo-coréen. Donc, à mon avis, ouais, on doit bien manger chez eux. Ah, franchement. Ah, ça doit pas être mauvais, ouais. Ça doit pas être mauvais, ils doivent avoir de quoi faire hein, quand ils parlent de bouffe. Bon, Marilyn Manson qui poursuit son petit bonhomme de chemin avec son nouvel album Heaven Upside Down. Les clips sont qui accompagnent cette sortie de disque. Les clips, je sais pas, remettent un peu Manson du côté obscur, période antéchrist, superstar. Je sais pas, il y a quelque chose à derrière. Retour aux sources. Envie de se racheter une conduite, j'en sais rien. Enfin voilà. Plutôt pas trop mal pour Marilyn Manson, voilà. Nouvel album aussi pour All Pigs Must Die, qui a sorti qui sortira un album le 27 octobre prochain, voilà. Au Stage Anima, c'est le titre qu'on pouvait écouter, qu'on peut toujours écouter, évidemment. Allez, le rayon super groupe, These Grey Men, qui n'en est pas encore un vraiment, puisque c'est le groupe de John Domayan. Si je vous dis ça, c'est qui? Bah, c'est le batteur de System of a Down. Mm-hmm. Premier titre qui va sortir, il y a un certain Serge Tankian qui sera dessus, au chant. Chanteur de System of a Down. Voilà, donc c'est pour ça que je dis super groupe, mais probablement, bon, voilà. C'est la moitié du système. Probablement, effectivement, la moitié du System of a Down. Il y a des chances que ça tourne un petit peu comme ça, bon, ben voilà. Dans les sorties, il y a Godflesh quand même qui est annoncé pour le mois de novembre, ça sortira. Nouvel album, en tout cas pour Godflesh, sortira le 17 novembre prochain. On annonce 9 titres sur ce disque et ça va être du Godflesh. Ben voilà, Justin Broderick, à mon avis, au meilleur de sa forme. Celui-là, je vous le passe tout à l'heure. Comme ça, c'est du teaser. Hein. Nouveau titre pour Polkadot Cadaver. Souvenez-vous de Last Call de Johnstone, qui était un de nos albums fétiches il y a quelques années maintenant déjà. Et reviennent avec un nouveau disque. Qui va s'appeler Get Possessed, et le petit premier titre qui est en écoute, il passera dans les canards, allez, en dans, deuxième partie. Dans presque une heure maintenant, voilà. Ça vous êtes vraiment bien au jus. Hein. En ville, qui sort un nouvel album pour les Français, Pounding the Pavement, qui sortira le 19 janvier prochain. Ça va sortir via SPV Steam Hammer, donc c'est une grosse sortie avec CD Digipack, double LP coloré, enfin etc., etc. Ça va être un petit peu sérieux comme sortie, c'est plutôt pas mal. Il y a déjà des dates annoncées. Ben voilà, le retour du hard rock en force, hein, finalement. Il y a toujours moyen de se faire plaisir. Morbid Angel. Alors, nouvel album, Kingdom Disclaimed, qui sortira chez Earache. Ça sera le 1er décembre. Album disponible, encore une fois, en une variété assez conséquente de formats, CD, CD Digipack, vinyle noir, vinyle couleur, coffret de luxe, etc. etc. Ah, c'est bien parce que tu as le choix. C'est la Noël, hein, donc c'est cool. 1er décembre, c'est bien. Tout ça, finalement, pour 9 titres. Hein. Donc, bon. Hein. Écoute, il se diversifie. Faites-en ce que vous voulez, mais ça devient un petit peu ridicule quand même, je trouve. Ben voilà, c'est un petit peu tout pour les news. Allez, on va s'arrêter sur un album qui a retenu l'attention de la rédac cette semaine. L'album s'appelle Love From With The Dead. Deuxième album pour un groupe qui s'appelle With The Dead, tout simplement. Et on est quand même dans quelque chose d'un peu conséquent, parce que derrière ce projet, groupe, allez savoir, on retrouve notamment Lee Dorian, leader incontesté de Cathedral. Si vous aimez période un petit peu doom, etc., ben ouais, Cathedral, c'est vraiment le groupe, je vais dire culte en tout cas, si pas fondateur presque, voilà, en tout cas de ce genre-là. Lee Dorian qui se fait plaisir en allant chercher des petits camarades chez Electric Wizard, rien que ça. Electric Wizard, c'est ceux qui auraient voulu faire Cathedral si le groupe n'existait pas, ou Black Sabbath si le groupe n'existait pas. Et lui, il se dit, bah allez, je vais refaire un groupe quand même, j'aime bien. Tiens, je vais aller chercher mes concurrents directs. Tant qu'à faire. Plus ou moins. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Hein. Bon, évidemment avec des gros traits, mais c'est un peu ça. Et donc c'est pas mal du tout, ça va déjà être le deuxième opus Love From With The Dead, le premier sortait il y a 2 ans, j'avoue passer tout à fait, en tout cas chez nous, de manière inaperçue. Ça se retrouve toujours chez Rise Above Records, je trouve que le premier disque est plus intéressant et moins formaté en tout cas que ce Love With The Dead, mais enfin bon, il y a quand même de la tronche le Love With The Dead, donc on va vous diffuser un extrait qui s'appelle... Enima, With the Dead, extrait de Love From With the Dead, ça sort toujours chez Rise Above Records. Et c'est parti pour un petit peu plus de 6 minutes quand même, faites-vous plaisir. Premier album de 2015 est plus intéressant. Ça c'est dit. We'll be right back. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Oh man, it's a trip here, man. I got that freedom, man. I'm just a man. And I'm gonna get down anyway, you know how that be. Everything gonna be mellow with me, yeah. Cause I'm gonna cope with this place, yeah. Depression? I ain't even worried. Ready? Yeah, I'm ready, man. Hey, look here, y'all. Allez, le petit morceau groovy du soir. Bien sympathique. Bien sympathique. Mm-hmm. Chucky Tunmon and Faris Will. Le morceau s'appelle Just a Man. Mm-hmm. Et c'est toujours extrait de cette fameuse compilation Street Sounds from the Bay Area Music City Funk and Soul Grooves 1971. Mm-hmm. Bien. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Bon. Bonne expérience. Allez, le morceau qui craque ? Allons-y pour le morceau qui craque. On est un petit peu en avance. Hein. Mais oui, on va se plonger sur le premier album d'un groupe new-yorkais qui s'appelle Chrome Cranks, album qui sortait en 1994, sur plein de labels, notamment Matador, voilà, à l'époque, hein, ce qui est quand même pas trop mal. Chrome Cranks, qui est un groupe qui n'a pas eu un retour monumental du temps de sa superbe, mais qui a été un peu plus vu voilà, à la fin des années 90, notamment avec leur album Love in Exile et le fameux Hot Blood Cocktail qui est un tube absolu. Dans Chrome Cranks, on retrouve Peter Aaron, Jerry Till, un ex-Honeymoon Killer, et puis un certain Bob Baert qui a été notamment batteur chez Pussy Galore, donc pour John Spencer, et batteur chez Sonic Youth. Ça va. Bon, le mec, ça va. Bon. Il peut assumer. On est dans un registre plutôt garage, un petit peu foufou, un petit peu sale, mais très juste. Oh. Ah, ouh. Ça s'arrête comme ça. Seul. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrête comme ça. Il n'a pas envie de continuer, il est fatigué. Il en a marre. Ouais. Bon. Il en a vraiment marre. C'est pas grave. Ouais. Voilà. Bon. Des fois, ça ne marche plus. Hein. Donc voilà, disais-je, on se retrouve plutôt dans New York artistique, on va dire ça comme ça, avec plein de gens qui vont graviter autour de ces Chrome Cranks. Et puis, réédition de leur premier album pour leur 20e anniversaire. Et là, c'est le label Ozark Records qui va prendre ça en charge. Et on va se balader l'un ou l'autre dimanche sur ce disque. Parce que y a notamment un 45 tours un petit peu inédit qui accompagne ça, mais ça c'est pas pour ce soir. Ah. Non. On fait durer le plaisir. On va partir sur le terminus de ce fameux disque face B, donc Out of My Heart, hors de mon cœur. Ça va être romantique aussi. Ça a l'air. De Chrome Cranks, ça va chipoter dans vos oreilles et c'est normal. You. danser. Je danse et je plais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De cet lieu, petit frère peut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Il y a quelqu'un, mon cher ami. Je voudrais qu'on pense vraiment. RQC. Et pas qu'on pense mon cher ami, qu'on dise mon cher ami comme mon cher machin. Non, mon cher ami, c'est mon cher ami, c'est pas mon cher ami. C'est mon cher ami, mon cher ami. Comprenez-vous, mes chers amis? C'est réconfortant, mes chers amis, de voir qu'à notre époque de trouble, l'amitié avec un grand A prend une place de plus en plus importante dans la merde, ça. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, comprenez-vous, mes chers amis? C'est de la merde. C'est ce qu'il faut toujours, toujours, il faut toujours avoir ça en tête. L'amitié, Ami. Bonjour, mon cher ami, comment allez-vous, mon cher ami? Et puis qu'on s'embrasse comme ça dans la rue, ça serait pas formidable, ça, mes chers amis? Il faut surtout relire les textes sur la merde, de la merde. C'est important aussi. Oui, c'est ça, c'est l'amitié des camarades et c'est l'histoire d'une amitié. C'est toujours de la merde. Tout à coup, Jean-Michel Mimosa. C'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce que je voudrais que tout le monde s'imprègne? Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Ah, que faire de mon temps libre? Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné? Envie de partager et animer ta propre émission? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2 à rue Roger Salengro, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Qui sait? One line. One line. A paper. A sound. Books on the radio. Allez, Books on the radio. Mm-hmm. Mmh, régisseur. C'est bien. Hein. Tu fais ça bien. Alors, on va repartir avec Donato Carisi. Ah oui. Ah, voilà. Tiens, c'est lui qui appelle peut-être, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas si c'est Donato Carisi. Il faudra parler. Mais on est occupé de parler, italien. Donc tu peux sonner comme tu veux, quoi. C'est ça. Je vais attendre qu'il se taise. Ouais, bon. Bon. Alors, le bouquin s'appelle Le Tribunal des âmes. Vas-y. On va pas faire un procès maintenant. Tous ces gens qui n'écoutent pas la radio, qui savent pas qu'on parle, que on téléphone pas pendant qu'on cause, c'est malheureux quand même. Est-ce que tu pourrais raccrocher, s'il te plaît? Raccroche. Si, je suis en train de parler, merci beaucoup. Rappel pendant la musique. C'est ça, voilà, merci. Donc, Donato Carisi, auteur italien, je vous en avais déjà parlé, notamment avec Le Chuchoteur ou L'Écorché. Mm-hmm. Et donc là, on passe en fait... Encore une fois, dans un futur triptyque, puisque la troisième aventure des personnages principaux du Tribunal des âmes sortira ici au mois de novembre. D'accord. Donc voilà. Donc c'est le premier tome, Le Tribunal des âmes, où on retrouve Marcus. Marcus qui est un pénitencier. Mmh, un pénitencier. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un pénitencier? C'est un bâtiment où on met des gens dedans. Pas du tout. Ah, pardon. Non, Marcus est un homme, un prêtre, qui est un pénitencier. Alors, un pénitent. Quelqu'un qui se repentit, non? Du tout. Bon. Je vais expliquer tout de suite ce qu'est un pénitencier. Explique tout de suite. Pénitencier, en plus, ils existent vraiment. Mmh. Voilà, c'est pas issu de l'imagination de l'auteur. Un pénitencier, c'est un prêtre qui est chargé d'enquêter sur des crimes. D'accord. Alors, l'histoire, c'est que quelqu'un va se faire confesser. ouais. dans une église, un prêtre, un curé, tout ce que vous voulez. Ce prêtre ou ce curé va retranscrire la confession, qui va partir plus haut, dans les hautes sphères, et notamment à ce qu'on appelle le tribunal des âmes, qui vont archiver ce dossier. D'accord. Et qui vont décider si il n'y a pas autre chose à enquêter. Ok. Et pour ça, on appelle le pénitencier. Waouh. Ouais. Ah ouais, non, on est dans du lourd, là. On est dans du lourd. Donc Marcus, pénitencier, qui un an auparavant s'est fait tirer dessus. Ouais. Ah oui, bah oui, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Qui a été gravement blessé à la tête et donc qui est devenu amnésique. Ouais, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas non plus. Et donc il va se faire réapprocher par son mentor, ou son chef, en tout cas son chef plus proche, le seul qu'il peut voir, Clemente, qui va revenir vers lui, qui en fait ne l'avait jamais vu, apparemment, parce qu'à la base, les pénitenciers, personne ne les voit. On ne sait pas c'est qui, à part leur prénom. D'accord. On ne sait pas mettre un visage sur leur figure. Et il va lui expliquer ce qu'est un pénitencier et reprendre un petit peu, depuis le début, sa formation de pénitencier. Puisque le but d'un pénitencier, c'est de trouver ce qui est anormal sur une scène de crime. D'accord. Et de partir de là. Voilà. Bon. Alors lui a un don un peu spécifique puisqu'il analyse très bien les scènes de crime et trouve toujours ce qui est anormal dans une scène de crime. Et là, on va l'appeler pour une jeune fille qui a été enlevée. Dans un appartement, une étudiante, elle a été enlevée dans son appartement alors que il y a pas d'effraction, il y a pas de, on trouve rien en fait dans son appartement, et on se demande comment ils ont fait pour sortir, en tout cas, enfin comment il a fait pour rentrer et sortir sans que personne ne voit rien. D'accord. Et donc voilà, la normale, dans le normal. À côté de ça, on fait la connaissance de Sandra Vega, qui est enquêtrice à Milan. Donc là, tout ça se passe à Rome, hein, pour le pénitencier, qui est enquêtrice à Milan et qui a malheureusement perdu son mari, voilà, qui est décédé dans un accident à Rome, alors qu'il devait se trouver en Suède. En tout cas, elle lui avait dit qu'il était en Suède. Des fois, c'est pas de bol. Bah ouais. Ouais. Bon, bah voilà. En même temps, s'il était pas au bon endroit... C'est ça. Donc, son mari était journaliste freelance, reporter. Il passait beaucoup, beaucoup de temps sur les routes. Donc, il se voyait vraiment entre deux. Et donc, elle apprend comme quoi il est tombé d'une tour en construction. Sympa. Et elle croit pas du tout à l'accident. Ok. Et tente de s'en remettre un petit peu et de digérer un peu l'affaire. Elle va récupérer en fait le sac de son ex-mari chez les flics, qu'elle avait toujours pas ouvert. Et elle va découvrir en fait une sorte de piste que son mari va lui donner à travers des photos. D'accord. Puisqu'elle est photographe de scènes de crime. Ils se sont trouvés. Ouais, c'est ça, voilà. Et bah, voilà, donc forcément vous allez, on va rapprocher les deux affaires et le pénitencier et Sandra vont se rencontrer. Et voilà, ça c'est le début de la trame. Okay. Qui est déjà pas mal. Ouais. Bien, il y a déjà pas mal dedans. Habillé. Ouais. Et alors, c'est du Donato Carisi, hein, donc faut suivre. C'est, voilà, il y a plein de rebondissements. Il y a, c'est un homme qui est amoureux de sa ville, de Rome en tout cas, ça se ressent. Il y a beaucoup de descriptions de Rome. et quand on n'est pas de Rome, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des églises et des basiliques partout. Donc voilà, ils se sont retrouvés. Mais ça donne envie d'aller visiter peut-être. Ah oui, bien sûr. Clairement, mais j'ai déjà été à Rome, donc ça va. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup de gens. Enfin, voilà, dans les critiques, c'est, on dit qu'il faudrait un GPS pour s'y retrouver. Le bouquin de Carisi. Dans le bouquin aussi, ouais. Pas seulement dans Rome. C'est ça, voilà. Maintenant, c'est. C'est assez marrant parce que c'est une histoire de pénitencier, clairement, et de pénitence. Bah oui. Forcément. Et il y a plein de rebondissements et à la fin, c'est du Donato Carisi, c'est-à-dire qu'à la fin, quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est vraiment ça. D'accord. Tu te dis, ouh, je veux savoir la suite. La suite, ça s'appelle Maléfico, ce sera pour une prochaine fois. Donato Carisi qui parvient finalement à mettre, alors ça n'a peut-être rien à voir évidemment puisque c'est pas la même trame, mais à faire vivre les villes et les grandes places, les grandes histoires, bien mieux qu'à Dan Brown par exemple. Ouais, et puis il est très... en tout cas, il est très renseigné sur ce qui s'est passé à Rome, sur ce qu'on trouve à Rome. Sur, il y a plein d'exemples. Par exemple, dans le bouquin que je suis en train de lire, qui est la suite Maléfico, on retrouve en fait dans quelques années auparavant, les mafieux allaient se confesser à un curé. C'était enregistré en fait, parce qu'en fait, ils donnaient des informations à un curé, mais c'est comme s'ils allaient se confesser pour c'est la ça. Police, c'est ça. En se faisant enregistrer à une basique très précise et un endroit très précis. Les repentis. C'est ça. Bon, personnage intéressant. C'est pas un avocat dans le civil ça me dit quelque chose. Alors Donato Carisi, c'est un prof. Ah, c'est un prof, ouais. Et en fait, il a étudié les tueurs en série. Il a fait une thèse sur un tueur en série italien. Une très longue thèse qui est je ne sais plus comment il s'appelle mais je retrouverai ça sur Luigi Chiatti, le monstre de Foligno, voilà. Donc il avait fait une grosse thèse là-dessus qui avait apparemment bien ébranlé certains bien pensants, on va dire ça comme ça. Et et à côté de ça, bah oui, le chuchoteur, l'écorché, qui sont deux bouquins à lire absolument pour ceux qui aiment les histoires tordues et les trucs où tu dis à la fin, et merde, c'est quoi ce bordel? Et les polars, voilà. Quoi. C'est ça. Allez, sur le service public, dans le temps, ils avaient une émission qui s'appelait, une séquence qui s'appelait Polar Polaroid. C'est ça. Ça serait bien dedans. Hein. Ouais. Pour si jamais tu nous écoutes. Donato Carisi, Le Tribunal des âmes, ça sort en poche chez J'ai lu, si je vois bien. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est pas trop cher et c'est du bon miam pour le cerveau. Ouais, à fond. Voilà, vivement la suite. Et aussi, c'est du bon miam pour le cerveau. Groupe increvable, inclassable, qui est revenu avec un album qui s'appelle New Facts Emerge. Mark E. Smith et De Fall, toujours pas crevé. Plus de 40 ans de carrière, des kilos de disques dans tous les coins. Tout n'est pas impeccable, évidemment. Et on a retrouvé aussi, et ça sera peut-être l'objet d'une archive, un chouette coffret qui reprend... 20 années comme ça de morceaux et par-ci par-là, et puis on redécouvre l'œuvre à travers ce coffret. Bon, on sort du coffret, on revient sur cet album 2017, New Facts Emerge, et c'est le titre éponyme de Fall. C'est pour vous. Call out. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec Zola Jesus et son album Okoi. Alors, à savoir qu'elle est en concert par chez nous, à Bruxelles, alors au Burskoberg. Le Burskoberg, évidemment. Oui. Le théâtre de la Bourse. C'est ça. Version Vlaanderen, voilà. Alsjeblieft, Vlaamstaal, de Burskoberg. Ouais. Et donc, il le met en Vlaamstaal, je ne sais pas pourquoi, mais le 27 novembre. Allez. À 19h. Bon. Voilà. Ça peut être sympa, à mon avis. Ouais, non, pourquoi pas. Allez, dernier extrait pour ce soir, pour cet album Okoi de Zola Jesus. On va écouter le morceau VK. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. L'archive du dimanche, qui porte bien son nom, tiens, pour une fois. Ouais. Ouais. Puisqu'on va évoquer, évidemment, hein, des albums majeurs, diront certains, des albums cultes, diront d'autres, hein, des albums incontournables, diront encore des tiers, à savoir le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la fanfare des cœurs poivrés, voilà. Enfin, la fanfare des cœurs amoureux du Sgt. Poivre. C'est ça. S'il fallait traduire en français, c'est très long. En français aussi d'ailleurs. Album des Beatles, 8e album pour les Beatles. Leur carrière a démarré finalement 4 ans auparavant. Mm-hmm. Ils en sont déjà à leur 8e, donc ils n'ont évidemment pas chômé. Ça, on ne pourra jamais leur reprocher ça, évidemment. C'est peut-être la période, pour certains, où les Beatles seront dans leur musique dite mature. Et vont proposer des choses intéressantes, évidemment. C'est l'album qui va, par exemple, rendre un petit peu cinglé, même s'il l'était déjà, mais Wilson chez les Beach Boys, qui voudra absolument faire le même disque, mm-hmm. avec une certaine concurrence un petit peu molle, comme ça, avec Pet Sounds d'un côté, et puis ce disque-là, et puis Brian Wilson sortira Smile 40 ans plus tard, enfin... Il y a tout a été raconté évidemment sur ce disque, donc je vais pas vous avancer grand chose, sinon que le disque a fêté ses 50 ans en juin dernier. On n'était pas là, on n'a pas pu en causer, mais ça vaut le coup quand même de revenir sur ce disque. Alors évidemment, il y a les histoires de drogue, il y a les histoires de concept, il y a les histoires de la pochette. Il faut aller voir cette pochette quand même qui est un petit peu une œuvre d'art. On retrouve les quatre garçons dans le vent entourés de tous leurs icônes, leurs amis, etc. On va retrouver Albert Einstein, Marilyn Monroe. Oups, lapsus, évidemment. Ah, bravo. On va retrouver, Churchill et ainsi de suite. L'écriture des chansons, ça s'en va. En tout cas, ça se veut être une histoire d'une traite sur un personnage. Personnage qui est joué par Ringo Starr, qui s'appelle Tommy Sears. Et puis au final, il n'y aura jamais que deux chansons qui vont parler du personnage, la chanson éponyme évidemment, et puis le With a Little Help from My Friends, chanté par Ringo Starr, popularisé à mort par Joe Cocker, bien évidemment. Voilà, qui a autre chose comme organe que Ringo Starr, ça on peut s'en douter. Évidemment, c'est l'album des innovations. Là où on peut se poser des questions, c'est que c'est le disque généralement qui est mis en vitrine, en évidence pour les Beatles. Et force est de constater que l'album Revolver qui sort en 66 est supérieur au niveau recherche et dynamique. Mmh. Et le double blanc est pour moi vraiment la pierre angulaire et un petit peu l'histoire. S'il fallait retenir un album absolument par tous les moyens des Beatles, ça serait probablement le double blanc, parce qu'il y a tout dans ce disque. Mm-hmm. Voilà, il y a tout de Obladi Oblada, Revolution 9, des morceaux c'est improbable, et aussi éloignés les uns des autres. Voilà, le Sgt Pepper finalement c'est un chouette disque d'accompagnement. Alors évidemment, c'est un peu sulfureux parce que Lucy in the Sky and the Diamond, il y a LSD dedans, donc on parle de drogue. Le titre qui suit, qui est un titre moins connu, chanté par McCartney, qui me fait plutôt marrer, qui s'appelle Fixing a Hole. On terminera avec ce titre-là. Fixing a Hole, évidemment, on pense au trou, on pense au fixe, on pense à l'héros. Et McCartney aura évidemment l'idée, non, du tout, on était dans un studio, je regardais le plafond, je voyais qu'il y avait un trou dans le plafond. Et j'aurais bien voulu pouvoir réparer ce trou dans le plafond, fixing a hole. Bon, hein. Prends-nous un petit peu pour des neuneux, voilà. Polo, s'il te plaît. Bon, il y a une ribambelle de musiciens. Il y a George Martin qui va mettre son grain de sel. Évidemment, c'était manager. C'était pas le cinquième membre des Beatles, mais c'était celui qui a porté quand même. Tiens, on mettrait bien un petit peu de ceci là-bas et un petit peu de cela par ici. Il y a un titre assez incroyable qui s'appelle Being for the Benefit of Mr. Kite qui vaut le détour évidemment. Il y a beaucoup de remplissage sur ce disque. Il y a l'énormissime Day in the Life qui est probablement une des meilleures chansons les plus touchantes et les plus touchantes des Beatles. Mais il y a des choses un petit peu ridicules, genre When I'm 64, Love Rita, qui sont un petit She's Leaving Home, qui sont un peu des titres passe-partout et un peu vides, un peu creux comme ça. Bon, on fera ce qu'on veut de ça. On retiendra évidemment un certain Merle Evans qui va jouer pas mal de percussions, de piano, de clavier là-dessus, qui est un jazzman. Et ça apporte évidemment quelque chose. Il y a évidemment l'Orchestre Symphonique de Londres qui a participé à ce disque. Bref, grosse machine, belle pochette. Comme dans tous les disques des Beatles, quelques morceaux imparables, et en tout cas pour celui-là, du remplissage. Ruez-vous sur le double blanc, c'est les 50 ans. Sur Revolver, oui. Ou sur Revolver, c'est les 50 ans du double blanc l'an prochain. Promis, on fera une archive Beatles sur le double blanc, probablement un peu plus longue. Parce que là, ça mérite vraiment. Allez, on se fixe. Rendez-vous la fois prochaine et on regarde ce trou qui a inquiété Paul McCartney pendant la session d'enregistrement Fixing a Hole de Beatles. C'était pour l'archive du dimanche qui portait bien son nom. Oh.

La pièce. Une petite nouveauté. Non, bah, c'est petite que ça. Get Your Gun, c'est le nom du groupe, c'est un duo anglais. Mm-hmm. Et ils viennent de sortir leur deuxième album, Doubt Is My Rope Back To You. Et on écoutait le premier extrait de cet album, c'est You're Nothing. Eh ben, solide. Hein. Ah ouais. Hein. Solide. Très solide. Allez, et ça va être aussi, pour moi c'est pareil. Nouveau. Hein? À venir. Ah, voilà. J'ai annoncé tout à l'heure, j'ai dit ça sera dans une heure. Bon, c'était un peu plus d'une heure, évidemment. Quoique. Plus ou moins ça. On était à la fin de la séquence Korenko. Et on vous a parlé dans les news de la sortie d'un album à venir au mois de novembre. Get Possessed, nouvel album pour Polkadot Cadaver, les ex Dog Fashion Disco. Parce que finalement, ben. Ouais, bon, le personnel y a un peu changé, mais ça reste quand même toujours. Le fameux team Todd Smith, pardon, et pas Tim Smos. Todd Smith qui reste un petit peu le patron de l'histoire et qui s'entoure toujours évidemment John Henswinger, Tim Swanson ou encore Jason Stepp qui ont participé à ce disque. Dog Fashion Disco s'en est allé, bien qu'il revienne, hein, parce que bah ouais, on passe d'un projet à l'autre. Mais là, on va s'attarder sur Polkadot Cadaver, l'album Get Possessed, novembre prochain, et premier extrait, Robot Assisted Suicide, Polkadot Cadaver. C'est parti. Thank you.

Pensy Slow. Oui. Quatuor parisien. Mm-hmm. Premier album éponyme. Eh ben. Ouais. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ils ont traîné chez My Bloody Valentine. Oh, ça, il y a beaucoup de shoegaze. Hein. Ils ont traîné un petit peu chez Blonde Redhead. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Petite découverte aussi. Allez, bah c'était bien. On reste dans les découvertes et on s'en va en France pour une reprise. Tiens, une fois n'est pas coutume, pourquoi pas. Le groupe projet s'appelle Cicatrice. C-I-K-A-T-R-I avec un S qui symbolise le dollar. Et ouais, et pourtant, c'est pas l'histoire d'un Frenchie qui irait faire fortune aux États-Unis, pas du tout. C'est l'histoire de la vie d'une jeune femme, Aurélie Ferrière, qui a commencé à faire de la musique, plutôt rock et plutôt en anglais en France, et qui s'est installée en Suède et qui a continué à faire de la musique rock et en français, bien évidemment. Ça devait arriver. Cicatrice, il y a déjà 3 albums de sortie, projet qui est intéressant, un petit peu yéyé dans l'esprit comme ça. C'est amusant, c'est un peu décalé. Cicatrice et qui est mis en avant par l'excellentissime label La Souterraine. Ah bah oui. Et ouais, on peut découvrir plein de groupes pas cher et avec toujours un bon esprit. Hein. Ça sortait le 17 août 2017, c'est très précis. Et Cicatrice sans tige de Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille. Hein. Je suis au fond de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lits, les bailleurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h. Les punk et yéyé, je vous l'accorde. À fond. Cicatrice. Bien. Mm-hmm. Allez, il est déjà bientôt l'heure de se quitter. Si, ça arrive. Bah ouais, c'est cool. Quand même. Faut bien à un moment donné que vous décrochiez. C'est ça. Souvent, la drogue, c'est mauvais pour la santé. Voilà, donc... On décroche aussi. On décroche aussi. On décroche aussi avec un morceau de 1998. Mmh. Alors, c'est un morceau de mon jeune âge, d'il y a quelques années. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tupac. Ouais. Eh ben oui. Ben oui. Et c'était un grand morceau à l'époque, Changes, ouais. Featuring Talent. Rien que ça, quoi. Ouais, souvenez-vous. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents, et pas sûr la semaine prochaine, parce qu'il y a des festivités ici qui pourraient nous mener un petit peu plus tard que prévu. Est-ce et donc voilà, tout à fait dans un autre registre, il y a les vétérans des Max qui viennent jouer en club ici. C'est ça. S'il vous plaît, quand même. Hein. Ça donc, si pas la semaine prochaine, dans 15 jours. Bonsoir. Bye. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids, I gotta get paid. But hey, well that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes.